Allez, mesdames, messieurs, et surtout, ceux quelques visages que je vois, mes chers aux gibiers de camp de concentration qui m'avaient accompagné pendant 5 ans. Dans ces lieux de liberté, pendant la guerre, nous faisions pour la liberté. Je vous remercie du fond de mon cœur pour les bons soins que vous m'avez offerts. Vous savez, quand on arrive à un certain âge, on n'aime pas trop ça, les anniversaires. Mais enfin, il faut s'y résigner. Et je vous remercie surtout pour les belles paroles et les jolies fleurs qui ont été présentées à mon épouse. Celle qui m'a tant appuyé dans les tribulations de notre cause, car l'idéal que nous défendons, la grandeur de la cause que nous défendons, dans un monde tel que nous vivons, ne pourrait nous apporter que la tribulation, la diffamation, la misère et des douleurs. Eh bien, elle m'a suivi avec le sourire. Se disant comme moi, et quand il parlait dans mon corps, que ce n'était pas pour nous que nous battions. C'était pour quelque chose d'au-dessus de nous. Quelque chose de suprapersonnel. Quelque chose de grandiose. Notre civilisation chrétienne et occidentale tant attaquée aujourd'hui. Maintenant, parlons un petit peu des choses actuelles. D'abord, je dois vous dire que cette soirée n'aurait pas eu lieu. Ni donc, d'ailleurs, que nous avons contrebandé, si nous avions reçu à l'avance qu'il y aurait des élections fédérales. Nous sommes un parti fédéral. Alors, nous avons une doctrine fédérale et nous ne nous mêlons pas des élections fédérales présentes. J'ai expliqué pourquoi dans une conférence de presse. Et c'est assez difficile pour certains journalistes de comprendre. Oui, les journalistes les connaissent, c'est ma profession. Ça fait 45 ans quand même, fait que ça. Et je dois vous dire que c'est en passant avant d'aller plus loin. Quand j'ai été élu chef du Parti de l'Unité nationale du Canada en 1938 à Kingston, en Ontario, les journaux de Toronto sont venus me voir pour avoir une entrevue. J'ai écouté les gars. Je connais la profession. Je connais l'idée des propriétaires de journaux. J'en parle pas de chance avec les autres parce que je suis journaliste. Qu'est-ce que je voulais faire? J'ai dit, je vais mettre 4 feuilles de papier second, ma machine à écrire, avec du papier carbone. Il y aura une copie pour vous trois, il y en aura une pour moi, la 4e. Maintenant, posez vos questions. Il me posait des questions, je les écrivais à la machine. Et j'écrivais ma réponse. Et même, il y en a eu 5 heures, parce que chacun posait ses questions. Le lendemain, les trois autres, c'est exactement le contraire de ce que j'avais dit qui était publié. Et j'ai découpé encore avec moi et j'ai ma copie au carbone du temps. C'est pour vous dire qu'est-ce qui se passe. Alors, la partie ne fait pas le carbone, je vous ai dit pourquoi. Nous sommes en partie de reconstruction quand la révolution mondiale sera terminée. Cette révolution mondiale, je l'ai expliqué tant et plus, a commencé en 1914. Première guerre de 14-18. Bon. Les dames entrent dessus sans se détruire. L'ancien empire de Charlemagne de l'Europe, ou français, les francs, les gaulois, les celtes, les germains, les libères, etc., s'entretuent. La guerre finie. Tout le monde a perdu. Une seule chose à gagner, le judéo-communisme, qui s'est appelé en 1917. Pour ce qu'ils avaient en guerre contre le christianisme, contre la civilisation occidentale, contre tout ce que l'homme blanc avait bâti et propagé à travers le monde. Remarquez bien. Là, on sait que le traité de Versailles, 1919. Maintenant, dans la vie du monde, c'est comme 20 minutes dans la vie d'un champ. De 19 à 39, c'est un emprunt que ça. La preuve de Manila, la tragédie a été jouée de 14 à 18. Bon, comme il était allé dans le monde. Et qu'est-ce qu'il disait? Le 2e mètre après 20 minutes, là, après l'entrée, commence en 39. Et qu'est-ce qui arrive? Le communisme s'en va de la moitié du monde. On voit se rouler l'Empire blanc dans sa terre, l'Empire blanc de France, l'Empire blanc d'Espagne, l'Empire blanc d'Italie, l'Empire blanc de Belgique, l'Empire blanc de Hollande. Et tout ça s'est remplacé par le judéo-communisme. Vous pointez dans les pays baltes, dans les Balkans, dans la moitié de l'Allemagne, la moitié de la Corée, la moitié de l'Indochine, vous le voyez dans toute la Chine continentale. Ne jugez-vous pas des terres d'après la propagande de guerre, jugez-vous d'après les résultats. Quels étaient les résultats de leur produit, la guerre? Le 2e acte a été joué. Il faut encore un entracte de 20 minutes entre le 2e et le 3e de finale. Le grand des grands doit être la fin de tout. D'ailleurs, les 45, nous sommes en 65. Les 20 minutes sont écoulées. Et le feu n'a jamais cessé depuis 1914. Il n'avait jamais eu peur. Ça a été la guerre chaude de 14 à 18, ça a été la guerre des nerfs, ça a été la guerre chaude de 39 à 45, ensuite ça a été la guerre froide qui commence à réchauffer. Nous ne pouvons pas l'écouter. Je soignerai. Dieu merci, qui n'en fut pas ainsi. Demain, le visage de Jésus-Christ, celui-là qui a été dit, Père des brebis, Père mon troupeau, celui qui a été fait pour voir que le Rédempteur des hommes sera dans l'historique, par excellence, sur notre sol d'Amérique. Il vient dans des ultimes efforts, la super tentative, pour empêcher la fin de cette révolution, de cette guerre. Est-ce qu'il y réussira? Est-ce que qui spent encore les casinos, des évêques et des dizaines de mille prêtres dans les prisons qui ont fermé les églises, qui les ont transformés en musulmans antinocifieux, en libanards, en arsenaux, en entrepôts? Est-ce que ces gens-là vont l'écouter? Est-ce que le communiste qui contrôle la moitié du monde, le communiste athée qui fait la guerre à Dieu, va dire très bien, pas que vous demandez, on leur tout, on vous donne tout. Je ne crois pas. Mais nous allons pouvoir en dire que l'Église suprême de la paix n'aura pas fait tous les efforts pour empêcher l'humanité de dégringoler dans la ville qu'on lui a ouverte depuis 1914. Ce ne sera pas la faute de l'Église, si ça arrive. On a l'impression d'avoir été en mesure, dans le dernier livre que j'ai publié, à Robert. Il me semble que moi j'ai été trop doux, je me suis retourné. Il y a des choses que j'aurais pu dire, que je n'ai pas bien dit, en parlant contre les Juifs, qui enseignent et nous sommes des animaux, dans leur Talmud. Quand un Juif te regarde, il voit un frère, il voit un homme, il voit un saint, un animal sans âme. Enfin, ça leur plaît. Quand ils ne sont pas obligés, par exemple, d'endurer les conséquences des gestes qu'ils font dans les visions qu'ils ont de moi. J'ai le droit de croire à ma dignité de personne humaine. J'aurais pu mettre des choses dans mon livre actuel, en ce moment. Le drapeau de la Croix-Rouge internationale, c'est un drapeau blanc avec la Croix-Rouge de Genève dessus. Eh bien, la Croix-Rouge veut se retirer de la Palestine parce qu'ils ne veulent pas endurer la croix. Dans les écoles primaires, secondaires, supérieures, normales et universitaires en Palestine en ce moment, on est tellement la croix qu'on a enlevé dans les manuels d'arithmétique le signe plus, le signe d'addition plus. Parce que tu me crois, on a enlevé la queue en bois, ça fait juste ça. Ce n'est plus une croix. Et dans les mains libres de l'État d'Israël, j'en ai un ici. 50 plus 150, il y a le signe plus, mais on a enlevé la queue d'en bas parce que c'était une croix. C'est pour vous dire jusqu'où la haine du Christ peut aller. Je l'ai dit assez sûrement. La révolution à laquelle nous assistons en ce moment, c'est bien simple. C'est une révolution contre la culture civilisation chrétienne occidentale. La civilisation de l'homme blanc. L'homme blanc, c'est un mot. On cherche de partout. Et quand on dit dehors les impérialistes, dehors les colonialistes, dehors les capitalistes, c'est l'homme blanc. Tout pas le même que le colonialiste, l'impérialiste, le capitaliste, ça c'est des mots, ça. On dit la même chose en Chine, on dit la même chose aux Indes. Dehors l'homme blanc. Et il y a des rabbins juifs qui nous disent, là c'est le tour des races chaudes et noires de mener, conduire l'homme blanc. Avec quelles épilations ils ne disent pas. Et vous en avez des petits prodromes depuis quelque temps. Vous avez entendu dernièrement des discours, ou du moins le rapport des discours, aux Indes, où des députés ont dit que l'Angleterre est sorte du Commonwealth britannique, ou bien que le leadership, la direction du Commonwealth britannique soit prise par des races de couleur d'Est et d'Afrique. Alors, nous, les Blancs, qui avons tout donné au monde entier, ce sont ces gens-là, ben, un, qui vont nous donner. Mais qu'est-ce qu'ils ont à refaire? Une politique judéo-maçonnique. C'est une déclaration. Il n'affirme rien. Il ne propose rien. Il nie tout. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'âme humaine, il n'y a pas d'au-delà, il n'y a pas de patrie. C'est la patrie mondiale, internationale, il n'y a plus de patrie. Bon. Pas de législative privée, pas de propriété personnelle, pas d'immeuble, pas de marché public. C'est ça, de ces gens-là, que nous avons. Des négations. Allez en Afrique, allez en Asie. Vous allez voir des quais, des bords de mer. Bâti par les Blancs, des chemins de fer amenés par les Blancs, de la radio, de la télévision, des alphabets, des grammaires, des dictionnaires, des lexiques, chocs par les Blancs. Ces peuples-là n'en avaient même pas. Des économies, des universités, des dispensaires, des substances. Et tout ça, c'était bâti par les Blancs. Des chemins, des routes, des ponts. Mais enlevez-nous tout ça, là, vous êtes à l'Est et à l'Afrique. c'est la salvation. Alors c'est ça l'âme, le grand précepteur, le grand méchant. Il a fait. On se tient mort de la dernière maman. Hier, la matinée, il y a un truc que le génie peut être excité aussi, je dis. Bon. Alors, pour que vous croyez que les gens qui ont été là sont des méchants, sont des impostants, sont des blasphémateurs, sont des parvenus à l'homme seulement. Ça pue en justice. Parce qu'ils ont excité. De supposer révélant. C'est curieux que la presse internationale vous montre et vous parle tout le temps des nègres que des habits déshonorent. Le javot qui vient pour le monde, par exemple. Quand on appelle des égalités, ils ont vous réglé, les nègres ont les mêmes phases de s'inscrire que les blancs. Ils ont les mêmes écoles, les mêmes examens des arts, les mêmes professeurs. Et ils veulent être investis à côté des blancs. C'est qui a 15 ans, soit à côté d'un petit fille de 13 ans. Vous savez ce sport? Le nègre a un tempérament spécial. De ce côté-là, bon. Alors c'est l'égalité sociale qu'ils veulent. Sociale. Alors le blanc n'a plus point choisi. Son feu. Il me soit choisi. C'est si moi je vais bien avec des blancs, je peux avoir un mariage blanc, je peux avoir des amis blancs, non, tu n'as plus droit. Alors, au nom de la démocratie, on détruit la démocratie. Qu'est-ce que c'est la démocratie? C'est la liberté de choisir, sa vocation, ses amis, son épouse, son métier, sa profession. C'est la première des libertés, la première de fondement de la démocratie. Non, pour eux, non. S'il y en a qui disent que de dire « standé dans votre cour », nous sommes privatérés. Et pourtant, tous les gens de race, c'est normal. Ils veulent toujours être ensemble. Vous avez un train d'attente de Montréal? Qu'est-ce qu'ils voient si on est ensemble? Mais si on le fait ça, t'as moins d'une heure, si je veux mettre pour les autres, si c'est par quatre, ils m'arrivent partout. Mais on viendrait leur droit de choisir. Il y a des endroits, à Montréal, où les malades imaginer ensemble tout seul, se parler entre eux. Puis c'est que le droit que ça n'existerait plus aujourd'hui. Le fruit se d'être partout et il se sert du nègre. Le grand rabbin de Gilstein nous dit avant longtemps. Les blancs vont être libres de l'air, les restes de boulot. Si ils ont un génie, moi je serais pas ça. Je crois que c'est marié d'avoir un mère noir ou un mère chinois. Moi, qui me sert de mettre la peau? Si je pense que c'est la couleur de l'âme, non, mais c'est sa couleur aujourd'hui. Alors, sous prétexte de nous éduquer avec des droits civils, c'est l'immigration spatiale. Et vous voyez comment nous toujours interprètent aussi les affaires de conseil. Liberté religieuse. Bon. Mais qui se fait dans le monde quand ça est protestant? Ou un bouddhiste? Ou un bouddhiste de pratiquer la religion bouddhiste? Ils sont les libertés. Mais c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent que nous puissions, étant libres, aller à un dimanche, mais dans le bouddhiste, un autre dimanche, non, pas un dimanche, non, le samedi, dans une synagogue, enfin, une bouillotte, ça serait ça, la liberté religieuse. On ne parle pas de la liberté de conscience. Ce que la conscience peut reprocher à un homme, ça ne parle pas de ça. Enfin, ça, ce sont des postulats de la révolution mondiale. Il faut détruire la morale. Tout le monde, le créateur, Dieu, la tenue, la toute sagesse, ils se sont fait quand ils ont décidé de devenir le commandement. On est fini, on connaît mieux ça. On est dans le ventre, nous autres, si on veut, c'était pas. Le bien de l'autrui, puis ça prendra. C'est deux créateurs, c'est tout ça, c'est créatif. Non, connaissez-moi ça, c'est pas plus haut. Non. Je t'aime bien, moi, derrière la fille d'une petite vieille, pour y arranger des 400 piastres, quand ça y a pris 30 ans à passer. On va y aller. Tu n'as plus la voix. Mais pendant qu'on a pris une mitraillette sur une brûlée, puis t'as fait qu'il y a une dame qui est là pour avoir une mitraillette. Là, puis quand tous ces gens-là se font arrêter, ah, ce sont de grands sectiers. De grands sectiers, des malades. Ce sont des malades. Et c'est la société qui les a rendus malades. La société, c'est où? Toujours, c'est moi, toujours. Alors, il y en a qui vont dire l'exemple de toi, son malade, c'est pas ta cause, ça fera toute ta chose, les autres. Et puis, même pour nous, vont même attirer un seigneur pour y arriver ses classes, c'est un petit malade, au fait, il faut être vraiment très bien de riche, avec des millions, un jour, à quoi il faut y apporter des trois temps, et une coupable, c'est que tout le monde, la société. Voilà, les gars. Et la police est toujours dedans. On a dit à Québec, ça dépend de la police. Si elle n'avait pas été là, ben non, la pauvre police. Elle ne voulait pas laisser insulter la reine. Mais c'est aussi terrible, ça, pour la police. J'ai entendu ce qui s'est passé aux arènes. Quand les collègues en ville sont allés brûler une centaine de maisons, j'ai compté 1000 magasins et tout volé. Mais c'est à la faute de la police. Elle ne voulait pas les laisser faire. La police était là. Et quand les pompiers sont arrivés pour éteindre les feux, mais si les pompiers n'y avaient pas, on a commencé leur maquiller, on a réussi, on a leur autobus, on a tout massacré, mais quelques pompiers avaient la peur, on a essayé de se brûler. C'est comme ça, madame, madame. Vous avez dit trop de dire dans le jour, vous n'en avez pas fait la radio. Et qui nous condamne à la radio? Sont nos directeurs de conscience. Et les plus forts sont nos têtes politiques qui nous disent ce que nous devons faire dans notre pays. On en est rendu là. Et je regardais aujourd'hui en première page. Dans le journal d'aujourd'hui. Les danses modernes. La danse du singe. La danse du singe. Et elle nous dit que comme faire pour danser la danse du singe. Je suis sorti de l'officier du ministre de l'Église grecque. Ben, j'ai dit à ma femme, mon Dieu, là, j'ai le goût. Ça fait 10 millions de l'Église de copie, je suis sorti de mon côté, je suis sorti de l'Église. Hé, c'est ça, c'est pas là, j'ai dit, mais c'est du carton. Mais je suis sûr que je suis dans le monde qui me lève. Les voyez-vous danser? Ma foi! Oui! Quand je suis le président de ce téléphone, les ministres fédéraux, le premier ministre, les sénateurs, les députés, écoutez, je viens de la voir à plaisir de danser le pétit. Mais, vous serez professeur pour leur enseigner ça. Ce n'est que juste de 13 ans, des petits fils de 14 ans. Ils vont tout de suite professeur de ceci pour nous faire du temps. Et puis, la même idée d'éducation, c'est grave, l'idée d'éducation, il s'agit des choses qui me connaissent. Et j'ai un petit d'homme qui t'envoie des crises, c'est un anormal. La commission de l'air, c'est venu de mon lait, j'ai dépensé 200 000 piastres pour préparer des vides, puis les gars du sac à l'eau vont aimer ça. C'est l'institution du ministre de l'Éducation. Alors, le petit gars qui écoute son père, il s'en est comme une belle petite image qui respecte bien d'autrui. Les lois textiles, les lois de la société, c'est un nom normal. Il gâche pas les vides. On en est un million, tu sais. Allez, votre chien. Alors, ce professeur des étudiants, qui est journaliste anglais, qui m'en parlait il n'y a pas si longtemps, qu'est-ce que vous faites que tu vas tuer au pouvoir? Alors, il dit d'abord, si on va faire le pouvoir, je me sauverai à 100 000 à l'heure. Pour avoir fait mieux que personne qui fait une paquet ou n'importe qui sera là. C'est pas possible. Parce que c'est pas les autres qui se mentent. C'est pas les autres qui se mentent. C'est toute une mission, ça. Ce qui commande, là, la poche. Ça, c'est ça, c'est bien. devant la dame. Moi, j'ai toujours dit, je suis au conseil du jury. Ma femme, c'est que c'est tout. C'est bien devant la dame. Il dit, ben, t'as vu, non, moi, c'est pas la scène. C'est un faux, la scène, là. Regardez donc cette emprise. La droite est ici, une lumière bleue. L'autre ici, va-t'en plus à gauche. L'autre ici, plus à droite. L'autre ici, moulinette. C'était ça un petit manchot. Pas le fiche à spring, là, tu sais, c'est la fin. Tu réussis si tu avais ma cœur. Pas lui qui va être sur le spectacle. C'est la coulisse de pouvoir. Alors là, c'est Eric Bianchi. On m'a demandé de vous donner des directives. D'abord, c'est bien difficile d'en donner. Il n'a pas encore un sorti de chambre grande. Son manifeste, c'est qu'il appelle sa plateforme. Plateforme. Il n'a pas encore été sorti. Alors, ça prendrait un an bien téméraire pour vous donner des directives sur des plateformes encore inconnues. Je ne vais pas flatter là-dessus. Parce qu'on peut toujours oublier. D'abord, ça fait une élection. D'abord, vous allez dire ce qui se passe, hein. Vous avez une partie des critiques, quand il y a une autre partie des critiques, un critique de Québec qui sort un livre dans son chef critique de Québec, les critiques de l'Ouest, ils veulent pas avoir de candidats critiques ici. Voilà, qui te donne une petite idée, qui s'en va dans la mauvaise maison de Pierre Serre, qui change de maison de clientèle. Vous avez des NPD qui veulent se faire appeler le PD, qui en quelque chose. Vous avez des libéraux qui en quelque chose libéraux. Vous avez des conservateurs qui font des Baker, pendant que d'autres conservateurs, petit et libre, font des Baker. Alors, c'est la grande bagarre. Et pendant ce temps-là, tout le monde dit unité. Alors, ils sont en train de se battre entre eux. C'est un petit peu comme le Seigneur qui nous disait, ils crieront la paix, et ne la trouveront pas. Tout le monde crie la paix de ce temps-là. Mais ça, c'est jamais tant besoin. Alors, la clé de l'élection. Ça, les gens vont vous voir, vous en rentrez, par exemple. Monsieur Brandel, vous êtes candidat. Et j'en dis, ben oui, un tel est candidat. Mais quand vous savez qu'est-ce que c'est, monsieur Attel, ça c'est important. On vous a dit, monsieur Robert Winters, pour être candidat dans un continent de Québec. Excusez-moi, Robert Winters. Ben, c'est comme Pompidou, en France. Vous savez, dans France, c'est plus riche en France, c'est là. La banque de Rothschild, Rothschild. Le gérant général de la banque Rothschild, M. Postou, a été traité à la France, il y a de Gaulle, pour être ministre. Il est toujours gérant de la banque, la plus grosse banque capitaliste de France. Bon. Mais il n'y a pas eu de Rothschild de France, il y a les Rothschild d'Angleterre à propos de ça. Le baron Lionel de Rothschild. Qui l'a remporté les compagnies? 100% de toutes les ressources minières, forestières, hydroélectriques, de Terre-Neuve et Labrador. Les chutes Churchill, c'était lui ça. Il a, dans 6 autres provinces, la grande majorité des concessions forestières, minières, hydroélectriques, pétrolières. Il contrôle 100% de toutes les mines d'uranium au Canada. Tous les parents qui se vendent au Canada, libres ou délivrés. Toutes les nouvelles, ils servent à faire des forts que vous l'avez avec les graisses de palette, mais soin, on va dans la main. C'est avec ça qu'il faut ça. Les machines haïtiennes. Bon. La raison d'une toute, une compagnie qui contrôle les 55 plus grosses compagnies minières du Canada. La prime pour. C'est toi, trop. Des pouvoirs pour le Labrador et des compagnies de mi-traitement dans le cas au Labrador, etc. Alors, il avait, comme son ami, le gouverneur général au Canada, M. Carter Winters, qui avait été ministre d'un cabinet sénat. Monsieur Winter, vous aurez ces affaires-là pour 100 000 tout petits candidats pour être député. Ben pour moi, j'ai dit quelque chose. Les restaurants de l'air veulent de nous pomper comme ici. Avec Monsieur Winter, on dira Winter Things. Et vous pouvez dire qu'il y aura probablement la succession de M. Pearson ou Benson Day. Mais les chrétiens sont beaucoup plus séparés. Parce que vous savez, dans la police, ça se bat. Ça joue du couteau. Quand un clan là, a vu les rouges amenaient Winters, alors ils ont dit, nous autres, on va amener l'autre arbre, l'autre stand, l'autre pas le stand. Mais la poche du Saint-Denis, Monsieur Booz, tout seul, dit en fait. Président de la bourse, les italiens, les grands industriels, dont je vais, les grands commerçants, importateurs, exportateurs, dont je vais. Et vous allez avoir une grosse bataille. Occupez-vous pas de ce que les candidats vont dire des slogans, de la propagande. Ça, c'est pour amuser les gens. C'est comme le texte qu'un acteur vient d'éviter une situation. C'est pas lui qui l'a écrit. C'est pas lui qui l'a pas écrit. C'est pas lui qui fait l'éclairage, puis tu fais le bruit d'âme pendant ce temps-là. C'est donc ça, dans le livre. Vous m'avez rien à comprendre, ça, monsieur. Alors, nous allons avoir une élection. Un peu, ça me fait penser un petit peu, c'était une grosse chose. Un groupe des journalistes ont eu une conférence de presse avec l'ancien président Truman des États-Unis à San Francisco. Un journaliste lui a demandé. Vous vous appelez Harry S. Truman. Qu'est-ce que le S veut dire? Ah, le système est en l'air de tous les grands-pères, Solomon et Schiff. Ah bon, là on commence à comprendre quelque chose. Un autre journaliste lui a demandé, quel est votre livre de recette, votre lecture préférée? Ah, avec cet album, je le lis tous les jours. Et un autre ministre lui demande dans la même conférence, quel est votre rêve d'avenir? Ah, mon rêve d'avenir, ce serait de voir un président juif et un vice-président nègre aux États-Unis. Bon, c'est curieux. Un Africain et un Oriental pour le Vietnam. Voyez-vous, quand vous traversez Pechstein, si, avant d'entendre les grands moyens de l'île par les rafles de l'air, ça sent bien, mes amis, ne nous décourageons pas. Et dernièrement, quand le président Johnson parle même comme ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, le juge de la Cour suprême, Goldberg, un juif, il est fier, mais il y a droit. Comme moi, je viens d'être catholique, je m'engage pas. Le même juif Goldberg, qui a mangé le juge, était avocat dans bien des procès en défense de juifs et d'organisations, de communistes et communistes. Le président Johnson lui a dit ceci, il faut que nous nous en rapportions. Tout peut-être que le premier mort de cette mesure, c'est la présidence des États-Unis. Oui, mais le président juif nègre, ce qu'on va prendre, Martin Luther King, on est en train de le bâtir. C'est un saint, on lui a donné un prix Nobel, comme à Pearson, mais c'est un saint, cet homme. Il appartient à 62 organisations de, qu'on appelle des francs communistes, d'après des rapports pseudo-américains sur les activités anti-subversives. Il appartient à ça, 62 organisations, elles sont toutes nommées. Mais vous ne pouvez pas avoir de dame mieux qualifiée. Puis, passe 100 ans à défoncer les portes de Vatican pour voir le Saint-Père. Je vous fais photographier avec elle, juste le temps que je fais photographier. On ne sait pas ce qu'ils disent. des photos par les gens locales, mais que les gens qui ont pas de vertu à quelque part, pensez donc. C'est même que ça se fait de propagande, c'est tout. Maintenant, nous autres, qu'est-ce qu'on propose? Je lui ai toujours dit. Parlez de ce que tous les partis proposent en ce moment. Le peuple dit à la fin de l'élection, Christ à manque, Christ est pareil. On va se bleu au rouge, on va se bleu au bleu, mais c'est toujours pareil. C'est évident. C'est le même système. La fin de la démocratie. Essayez de la trouver, mais on ne la trouve pas, la démocratie. Je la trouve une fois. Le plus tard, c'est le plus tard, c'est le plus tard, c'est le plus tard. Une seule journée. Là, je vais vous arrêter. Maintenant, même à tout le monde, on va vous arrêter. Ça va maintenir quand même, je vais vous arrêter. Après ça, arrêtez-moi ça, pas aussi, ce gars. Pas que ça, la démocratie. Non. C'est le parti système qu'on a, le système de principe. Un cultivateur comme ça, avant d'y répéter, comme cultivateur, il va me rendre à un de nous qui aurait pris de gauche ou de droite. Un ouvrier va avoir un ouvrier. Il y va comme représentant libéral ou conservateur, il est lié par le parti. Et qui l'a fait élire, c'est pas sur l'argent. C'est l'argent que les grandes organisations financières ont formé pour les politiques. Vous savez, si je vous invite chez moi et que j'ai les moyens d'engager un orchestre pour vous recevoir et vous distraire, vous allez en danger les musiciens. Vous allez dire des autres qui jouent. Comme dans le chef d'orchestre qui va dans la tête. Donc, c'est moi qui vais dans la musical, le menu musical. Vous jouez à votre milieu, ce morceau-là, ce morceau-là, ce morceau-là, ce morceau-là. Voilà, comme c'est moi qui ai menu. Je suis en train de bouger tout. Pour les autres qui ont mis les écoutés, vous imaginez que c'est vrai pour une citation. C'est ça que vous pensez. On me retrouve d'une autre, la destruction, la fin de tous les partis politiques. Le corporatisme. Maintenant, une fois que le système est caillé, notre parti est obligé de disparaître. Remplacé par quoi? D'abord, l'unionisme, le syndicalisme obligatoire. Et tous les fois, le gauchisme, pour les entendre jamais de ça. Et pourtant, c'est la première règle de justice envers les syndiqués, envers les travailleurs. Les avocats, ils ont ça, l'unionisme obligatoire. Alors, là, on est dans la base de pratiquer aussi le moment de cette union-là, la corporation du barreau. Alors, on est le médecin qui doit se pratiquer, qui appartient pas à l'être médecin. Puis même, pour être qualifié des yeux, à la pratique, est-ce qu'il se pense? Ce sont eux qui décident ça. Mais pour même que tes ouvriers, les cultivateurs, n'auraient pas ça. Et une fois organisé, en corporation de médecine, de profession, d'occupation, ce sont eux qui se choisissent dans leur semaine, leurs députés, pour aller parler de leur cause, défendre leurs intérêts au Parlement. Alors un cultivateur ira là comme membre de la corporation de l'agriculture. Un ouvrier ira au Parlement comme membre de la corporation de l'industrie, l'eau ou les jets ou du transport, etc. Ils ont leur bancaire. Pour être élu, plus besoin de caisse électorale. Ça veut dire que les puissances financières n'ont pas envie d'en prendre. Comment est-ce que ça coûte de pas gagner du bord de Montréal pour se faire élire? Moins chaud. Les avocats cherchent leur prix bon, leur prix présentaire, leur prix fin, leur prix éminent, leur prix honoraire. Les médecins font rien faux. Pourquoi est-ce que le président de la corporation du bord des médecins? Ça coûte pas le sou. Ce sera la même chose. Vous éliminez la caisse électorale, la liste, la cagnotte, enfin, ce qu'on appelle le graft, tout ce que vous voudrez. Et bien que le député dit, je m'en si on veut vous dire, vous avez choisi pas son dans le gouvernement, sa corporation n'a pas mis le remplace, puis il va le remplacer. Ou une pauvre dame à 45 ans pour remplacer un incompétent ou un indésirable. Maintenant, on dit que chaque corporation a ses membres. C'est là que les gens dépendent. C'est pas de vrai à ses membres. Autant que les membres d'ici, ils se font leur commentaire, etc., etc. Alors, j'ai une soumission pour le bien jouer aussi là. Les membres. Parce que toutes les corporations, toutes les associations, toutes les grandes, alors, à un moment donné, les membres de la grosse bâtisse, à la part de la vente de la corporation de l'agriculture, à la vente de la corporation de l'industrie, à la vente de la corporation du commerce, etc., etc. Et, quand ils disent à mon nom, si faire les lois de bord, si faire les lois de la médecine, mais les médecins, à la corporation, les avocats ont leur propre loi de bord, fixent leur propre taux, présentent ça à Québec pour mes enfants. Les temps avec autre chose, c'est loin. Et vous restez ouvriers à la main, vous êtes même chose. Avec la corporation, les ouvriers sont pris au milieu connus de la foule, ni les cultivateurs, ni les pêcheurs, ni les marchands. Voilà des avocats, des affaires pour régler des problèmes que ces gens-là ne comprennent pas. Ce sont-ils dans la corporation qui régleront leurs problèmes sociaux, économiques, financiers. Le gouvernement a autant de cacaillots d'agriculteurs et des agriculteurs frites qui s'est dit. Il y a trop de gouvernements à trop de causes de prix. Et le pouvoir que le gouvernement a est une liberté de la liberté. Le gouvernement est supposé s'occuper de protéger les peuples contre les biens intérieurs et les biens extérieurs. D'avoir un grand rapport avec l'étranger, d'avoir défendre le pays contre l'étranger, d'avoir toutes les communications, mais vraiment la bonne affaire d'aller dans le commerce, dans l'industrie, dans l'agriculture, dans l'industrie, sur les mains de sort et sort. Et si il le fait, c'est parce que les gens, c'est quoi, ils ne sont pas organisés pour le faire eux-mêmes. Nous, c'est ce que nous préconisons. Maintenant, le système actuel, pas que tout n'aura pas sauté la dynamique, et ça sent bien. Les mêmes deux dans la tête, ça s'est dit avant de voir les mains. Vous allez voir ce qui va se passer. Nous, nous formons des jeunes pour reconstruire sur des bases saines, des bases fondées sur les droits de la vie, les droits de la nature, les droits de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes ici, c'est déplorable, la paysesse. Nous sommes dans la terre de l'abondance. La moitié du monde, c'est encore la civilisation qui survit. Et l'autre moitié, c'est l'anti-civilisation qui veut détruire tout ce que le christianisme et la même en bâtie. Et nous avons nos jeunes, pleins de calendriers, bonnes sages, savants, il y en a qui veulent faire une cause, ils se font accrocher par la bataille. Par l'anti-christianisme, par l'anti-antisémitisme. Et ils sont rendus à être chérés. Dans le pays qui leur a donné la vie, qui leur a donné ce qu'ils sont, et contre les rêves, contre leur Dieu, contre leur foi, contre leur patrie, des soldats de l'ennemi mortel qui voudraient nous mettre en risque d'avance. Comme on peut le constater derrière le rideau de ferme du bambou. C'est pénible de voir ces femmes-là. Mal informées, mal orientées. Je ne cache pas que l'une des grandes causes est comme catholique, comme responsable, que le niveau du rétablissé, notre dernier bâtiment de l'année, il n'a pas le plus, les dégâts de la boîte. Le président parle pour les remplacer, les féministes à gauche, les féministes anti-christianistes, les féministes de la civilisation. C'est un peu privé. Eh bien, nous, en tout moins en autant que la Providence m'en donnera encore l'énergie, je ne serai pas un chien bleu, un chien endormi et couchant. Je me tiens avec vous et je salue la lettre avec le gosier qu'on m'a donné. Spero che i ristoratori si vanno a guardare si attendano. Merda. Dice, ne sono sempre. Ogni poco, per questo video, non davanti a Giulia. Ho da tribunare la forza, ma ho una esperienza. Ho la connaissance di che è il divano di qui. Ho per usare. Il vero nome, il vero nome di Italia, di Italia, di Sondag, di Sardegna, di Italia, di tutti. La finale di Davuto, di Anticci, di Italia. E il nostro amico, quando ti fu di Maricospira, a segnare di questi mezzi e di loro, per seguirmi con voi stessi soldi. Le rivolgo tra le due, e gli due, suoi due, e ho tutti a dire con le maglie, ma se mi do di più pegliare, parla di qui, o se mi do di più pegliare, o le mie sono le tante conti, come si può andare a fare la polizia, cazzo di Lorenzo di Canavà, tu li ricordi che ogni fili, polizia che fa, che venga per forza di dire di, no, la spagli, o la spagli a te, ogni fili di me, o stanno a camera, Et nos conditions intimes. Merci.